après Monaco et Marseille, des biens. Ici Nicolas Martel. Je vous invite du 13 au 16 septembre à venir assister en grand nombre au 48e championnat mondial de pétanque avec plus de 48 pays participants. Également, la tenue du festival des biens extrêmes avec la plus grosse tourtière au monde, la chaise musicale géante, le championnat mondial de pédalo et plusieurs autres activités seront à l'honneur. De plus, en soirée, trois spectacles de Québec Cime, partenaire majeur de l'événement. Pour achat de billets ou informations, consultez le site web et le Facebook de la ville de Lévis. Salut tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport complet de l'édition du 13 septembre. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional. D'abord, en parlant des voyageurs de Ville-Saguenay qui ont forcé la présentation d'un septième match qui sera présenté ce soir au stade Richard Demeul. Hier, les voyageurs ont marqué 4 points en début de match, en première manche, et pour se sauver avec la victoire contre les Diamants de Québec par la marque de 10-0. Le lanceur Alexandre Laprise a été dominant pour lancer un match complet et a quand même fait face à deux frappeurs de plus que le minimum. Donc, ça va avoir lieu ce soir au stade Richard Desmoulins, le septième et décisif match. Donc, certainement que la foule va aider beaucoup, beaucoup les voyageurs. Parlons maintenant du championnat du monde de pétanque qui va se mettre en branle en fin de semaine. La première partie de l'équipe canadienne au championnat du monde de pétanque aura lieu ce matin contre l'Angleterre. Évidemment, on va surveiller ça de très très près, donc ça se passe à Desbiens. Maintenant, le centre civique de Dolbeau-Missassini, c'est l'ouverture ce soir du centre, de la saison. Il y aura un 5 à 7 au centre civique. Il y aura également la période d'inscription qui va se faire, donc tout le comité organisateur vous invite à une nouvelle année de curling. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu avec un Martin Massé, qui était un propriétaire des billets de saison du Canadien depuis 25 ans. Et cette année, Martin Massé a décidé de ne pas renouveler ses billets. Il explique la raison. Le sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.